présente ma vie, raté boulot de merde, détective privé. Ah oui, au fait, ma fille me déteste, ma femme m'a quitté. C'est pour cette raison lugubre que le médium le Nurte va m'aider. Pour 20 000 euros seulement, il m'a dit comment les récupérer. Depuis 5 ans, une terrible malédiction te hante, mon enfant. Et pour l'inverser, tu dois accomplir quelque chose de grand. Quelque chose de grand, quelque chose de grand, quelque chose de grand, quelque chose de grand. Le tour du monde à trottinette. Le mur suivra tes pas. Le tour du monde à trottinette. Tu as fait le bon choix. Le tour du monde à trottinette. Mon âme sera où tu iras. Le tour du monde à trottinette. Tu peux y aller, je t'attends là. Première étape de mon périple, quitter ma maison. Oui, ça me fend le cœur, mais j'ai ma raison. Est-ce que je prends l'escalier ou l'ascenseur? Trop de choix dans ma vie. Alors je fais un étage de chaque, car j'aime les compromis. Ça fait 30 mètres, je suis essoufflé, je fais une petite pause. C'est un voyage par deux dangers, mais je suis un fou et j'ose. Mais quand même, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, car c'est l'heure de s'arrêter pour chanter le refrain. Le tour du monde à trottinette. Ce voyage spirituel. Le tour du monde à trottinette. Redéploiera enfin tes ailes. Le tour du monde à trottinette. Va et retrouve ta foi en toi. Le tour du monde à trottinette. Et surtout ne t'arrête pas. Ça fait maintenant 1 heure que je roule. Je dois être vachement loin. Le Pérou, l'Alaska ou la Russie. Où je suis, j'en sais rien. J'entre sur l'autoroute de la mort. Le feu piéton est vert. Je suis en pays inconnu, ça doit être la guerre. Oh, une grand-mère qui m'attaque. On doit être en Irak. Réflexe d'autodéfense, je lui vole son sac. Et dedans il y avait 5 euros, je vais m'acheter une bière. En la buvant, je me rends compte que je suis le roi de la terre. Le tour du monde à trottinette. Ton voyage avance bien. Le tour du monde à trottinette. Chaque tour de roue est ton destin. Le tour du monde à trottinette. Grâce à les Nurtes, un grand tournant. Le tour du monde à trottinette. À ton retour, tout sera différent. Je vais vite, l'aventure ne s'arrêtera jamais. Je roule, roule, roule, tout est fini désormais. J'ai pris le recul qu'il faut, je retourne voir ma femme. Je sonne à sa porte, fini tous les drames. Bah les Nurtes, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Pourquoi ma femme a la main dans ton caleçon? Et toi ma fille, pourquoi tu appelles les Nurtes papa? Ça fait 15 jours que je suis parti, ai-je fait le bon choix? Ai-je fait le bon choix? Ai-je fait le bon choix? Ai-je fait le bon choix? Ai-je fait le bon choix? Le tour du monde à trottinette. Que penses-tu de ma nouvelle vie? Le tour du monde à trottinette. Ta femme, ta fille, ton blé, merci. Le tour du monde à trottinette. Mais tout ça n'est pas si grave. Le tour du monde à trottinette. Rejoins les Nurtes, sois son esclave.